singa posa ya toninga okutani yanga na yo ezali loko la ndoto nandi makite o madonga na dinga yo boye o mado wapi fata kikanda o madelena mama wapi patience. yeye Eluki pasusi Bakate la bisoli kambo Mabala ya lelo Tango nyoso se matata Sukana yango Moko asengi divorce Oh makambo Oh mama makambo ebele Makambo ngoya Oh mama makambo ebele Koko Oh mama yeye, iluki basusi, batate la bisoli kambo, mabala ya lelo, tango nyoso se matata, sukana yango, moko sengi divorce, oh makambo, oh mama makambo ebeleho, makambo ngoya, oh mama makambo ebeleho. Bala na memande ngambo Bamba na vizavi Bona nini boye naloba te Bako makile ina ndoto Mubali ya beta kanda chango nyoso Nalevi Mubali ya komisanga zuba zuba Nabayeho Bako mamo umbu Bala na memande ngambo Bamba na vizavi, kona nini boye naloba te, nako makile ina zoto Mubali ya beta kanda chango nyoso Nalevi, mubali ya komisanga zuba zuba Nabayeho mala o mama ona lemi undumba na ndimio mama ona baye fika triste tango nyo songa na kukukate basi ya libala o mama ona lemi undumba na ndimio mama ona baye fika triste tango nyo songa na kukukate Alibala o mama unalemi Unumba na ndimi o mama unabaye Siga tise tango nyo songa na kukukate Alibala o mama unalemi, unumba na ndimi